Comme je disais, un pour tous et tous pour un. Sûrement que vous avez une image quand je dis ça, un pour tous, tous pour un. Les mousquetaires, oui, c'est ça, les mousquetaires. L'histoire des trois mousquetaires a été écrite par Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, c'était un auteur français. Il était très engagé. Il y avait une idéologie, lui, derrière ça. Il avait comme pas juste écrit un conte comme ça, quelconque. Il n'a pas décidé, tiens, un matin, je me lève et j'écris une histoire. Il était en collaboration avec un historien, même. C'est un mélange vraiment de vrai, de fictif. Il y a plein de personnages là-dedans qui ont vraiment existé. Il s'est basé sur la période des années 1600. C'est dans cette période-là qu'il a écrit l'histoire. Mais il était, comme je disais, il était engagé, puis il y avait une idéologie derrière ça. Lui, il voulait illustrer à la population, parce qu'on a souvent des auteurs qui écrivent des livres pour passer un message à la population. Il voulait illustrer que c'est l'union qui fait la force, en contradiction avec diviser pour mieux régner. Parce qu'on a souvent ça, dans le monde de la corruption, c'est comme ça que ça fonctionne, hein? On divise pour mieux régner. Mais lui, il avait dans l'idée, l'union fait la force. Puis c'est ça que veut dire la phrase « un pour tous et tous pour un ». C'est la base de son histoire. Si on résume un peu pour voir un peu l'illustration à travers ça, bien, vous devez la connaître, là, mais je vais quand même... il y avait le cardinal Richelieu qui était le méchant. Puis en étudiant, comme là, en faisant des recherches sur l'histoire de ça, je me suis dit, crème, ça devait être révolutionnaire pareil, dans un monde catholique où ce que le méchant, c'est un cardinal. En tout cas, j'ai trouvé ça spécial. Il y avait le roi Louis XIII qui avait instauré, parce que dans la période des années 1600, il y a eu une destitution et une réintégration trois fois des mousquetaires dans la vraie histoire. Il y avait le roi Louis XIII, il y avait Athos, Porthos, Aramis, puis le petit D'Artagnan qui essaye de se joindre à la gang sans trop, en forçant beaucoup, en voulant toujours se prouver. Puis si tu veux faire partie de la gang, il va falloir que tu fasses tes preuves. Il y a eu plusieurs adaptations à la télé, autant qu'en dessin animé, en bande dessinée. Mais une que je me rappelle, moi, c'est... ça doit faire quand même un bout, là. Le temps passe vite, on s'en aperçoit pas. Mais il y avait toujours une histoire où tu avais les mousquetaires, ils sont loyaux au roi, puis ils sont prêts à mourir les uns pour les autres, puis ils sont tout le temps unis, puis ils sont loyaux au coton au roi, ou loyaux, on dit loyaux. Et puis finalement, tu as comme le cardinal Richelieu qui arrive par en arrière, qui manigance tout, qui dit au roi, tu n'as pas besoin d'eux, ma garde est bien meilleure. Puis dans le fond, ce qu'il voulait, c'était écarter les mousquetaires du roi, parce qu'il sait que les mousquetaires sont tellement loyaux qu'ils vont toujours protéger le roi, même face aux personnes comme le cardinal, qui était très une personne de haute importance. Bien, eux, là, ce qui comptait le plus, c'était le roi, puis ils voulaient le protéger. Puis le méchant cardinal réussissait toujours son coup, dans les films en tout cas, pour que le roi dise, « Bon, les mousquetaires, vous êtes destitués, vous faites plus partie de la cour royale, vous devez vous en aller, faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai plus besoin de vous, j'ai les gardes du cardinal qui m'aident. » Fait que le « un pour tous et tous pour un » devenait « chacun pour soi ». On avait tout le temps le fameux Porthos, l'homme fort qui retournait dans la taverne. Puis tu avais le Athos, lui, il était dans la débauche, il retournait avec les femmes. Puis tu avais Aramis, qui était un ancien membre du clergé, bien, qui retournait pour essayer d'être prêtre, curé. Mais là, par chance, tu avais le petit D'Artagnan qui arrivait. Puis lui, il ne savait pas que les mousquetaires étaient devenus... qu'ils n'étaient plus sous la cause du roi. Puis il arrivait, puis il ralliait tout ce monde-là ensemble. Puis là, eux, lui, il leur disait, tu sais, vous avez oublié? Qu'est-ce qui vous avait uni? Vous avez oublié que... Ce n'était pas juste une situation que vous aviez. T'sais, le cœur que vous aviez face à ça, vous devriez encore l'avoir. Puis D'Artagnan réussissait à réunir tous les mousquetaires ensemble, puis contrecarrer plein du méchant cardinal, puis ça se réunifiait ensemble. Fait que le mot d'ordre que j'aimerais dire, c'est un pour tous, tous pour un, mais dans l'idée, gardez l'idée de l'union. T'sais, l'union fait la force, l'unité. Puis... on a dans les Écritures un passage qui me tient vraiment à cœur, qui représente ça, cette unité-là. Et si vous voulez tourner avec moi dans Éphésiens 4, les versets 11 à 16. Mais ça va être affiché, mais c'est peut-être pas la même version, c'est peut-être une autre version qu'on va avoir, fait que vous pouvez... Dans ce passage-là, ben, j'y ai vu des éléments qui représentent que c'est le modèle d'une église selon Jésus. Jésus nous a laissé par sa Bible comment on devrait être ensemble, en unité. Puis dans ce passage-là, que j'aime beaucoup, on voit ça. Et je vais le lire à partir du verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. » Et le verset 16 qui est très percutant, « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité ou l'amour. » Et comme je disais, le modèle que je vois là, c'est le modèle d'une église selon Jésus. Comment qu'on devrait se comporter ensemble les uns avec les autres? Et j'ai divisé ça en quatre parties. La première qui est une église en coordination. En coordination, j'ai pris ça dans le fond, le verset 16, on voit que c'est carrément un résumé des quatre autres versets. La première partie du 16 est le résumé du 12. La deuxième du 13, la troisième 14, puis la fin 15. Je vais m'expliquer en cours de route. Mais la première partie, je l'ai pris en, c'est assez évident, c'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance au verset 16, que tout le corps, bien coordonné, j'ai pris, c'est une église que Dieu nous demande, que l'église soit en coordination. Puis je l'ai associé au verset 12 qui dit que c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Mais on se demande, c'est une coordination. C'est quoi la coordination? Pour appuyer mon idée, je suis allé voir dans le petit Larousse. On n'a pas, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Des fois, il y en a qui s'en servent comme pâte de divin. Là, on voit ça. Ça fait une bonne pâte. Fait que c'est l'action de coordonner. OK? La coordination, c'est l'action de coordonner. Ça nous avance encore mieux. Harmonisation d'activité dans un souci d'efficacité. OK? Fait que là, on a la notion que c'est dans un souci d'efficacité. Dieu, il nous coordonne, l'Église doit être coordonnée pour qu'on soit efficace. Mais là, on a harmonisation. Un autre grand mot, je suis allé voir dans le dictionnaire, c'est quoi ça, l'harmonisation? C'est l'action d'établir des proportions heureuses entre plusieurs choses, de les mettre en accord, de les harmoniser. Fait que finalement, on se rend compte que Dieu veut qu'on soit coordonnés ensemble pour qu'il y ait quelque chose d'heureux qui se passe entre nous, que ce soit le fun. Le modèle de Jésus, c'est un modèle de l'Église, c'est un modèle le fun. Ce n'est pas quelque chose de plat. La coordination amène ça. Mais si je reviens à la coordination, je suis allé voir, il y a plusieurs applications là, dans le dictionnaire. Là. J'ai pris la première en haut, ça c'est la première, mais il y a quand même l'aspect du corps. Dans le texte ici, on le voit que l'Église est représentée comme un corps. Je disais, je vais aller voir la définition de la coordination quand on pense à un corps, et ça donne l'ensemble des mécanismes nerveux assurant à chaque instant la coordination des contractions et décontractions des différents muscles du squelette. Fait que, tu sais, c'est en mouvement. Fait que l'Église est comparée au corps, comme je le disais. Fait que là, si on prend ces trois définitions-là ensemble, j'ai comme jumelé la définition de la coordination, de l'harmonisation, l'idée du texte, puis j'ai inventé une définition qu'on pourrait dire biblique. La coordination est l'action d'établir des proportions heureuses dans l'activité de l'ensemble des croyants, assurant à chaque instant une efficacité dans l'œuvre du ministère. Ça ne serait pas pire. C'est Dieu nous coordonne ensemble, mais il nous envoie aussi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs, docteurs. Je n'entrerai pas dans le détail, je n'entrerai pas dans le débat cessationniste ou est-ce que les dons d'apôtres, de prophètes sont arrêtés ou c'est pas ça mon but. Dites-vous que ce verset-là, je le nomme don. Don donné à l'Église pour que tout ça soit fonctionnel, tout notre corps soit harmonisé, coordonné. Et les autres critères que je donnerai par la suite. Mais avez-vous déjà pensé à ça, là, la petite définition que j'ai inventée, qu'il y en a peut-être une meilleure qui va sortir du lot, mais je me suis arrêté à celle-là, l'action d'établir des proportions heureuses dans l'activité de l'ensemble des croyants. L'Église, là, c'est pas juste, justement, le verset 11. C'est tout, chacun d'entre nous ici, on a tout notre rôle à jouer. Puis il faut que ce soit le fun entre nous. Puis il faut qu'on n'oublie pas qu'on est là pour faire avancer le royaume de Dieu. Dieu, il nous donne tout ce qui est nécessaire. C'est lui qui pourvoit. Mais on a notre rôle à jouer. On ne nous a pas nommés, on ne nous a pas sauvés pour qu'on s'assise sur nos steaks, là, finalement. Mais il y a des choses heureuses à nous faire réaliser. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ou vous avez déjà dit peut-être, « Ah, ben au moins, là, on va se mettre d'accord qu'on n'est pas d'accord. » Moi, je l'ai déjà entendu, quelqu'un me l'a déjà dit. OK, oui, il y a des passages bibliques qui peut arriver à ça, comme quand Paul dit, sur quelques points que nous ne sommes pas d'accord, le Seigneur vous éclairera. En attendant, marchons d'un même pas. Puis là, on pourrait dire, ben, quand Paul il dit, on va se mettre d'accord qu'on n'est pas d'accord. Mais dans le texte ici, c'est quand même une coordination et puis une harmonisation. Tu sais, quand on a deux personnes qui ne sont pas en accord sur quelque chose, puis on se dit, ben, on n'est encore pas en accord, ben, finalement, d'habitude, on part chacun notre bord. T'sais. Ça ne fait pas nécessairement une unité, à moins d'avoir de la maturité puis d'être capable de passer par-dessus certaines choses. Mais j'ai le verset de 1 Corinthiens 1:10 qui vient appuyer ça. Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. On sait que c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Et c'est au nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même pensée. C'est quand même quelque chose, là, d'être vraiment soudé, en même pensée. Fait que si je pouvais vous représenter la coordination, à quoi ça ressemble, je marche. Mon corps est en coordination. On marche. Puis elle m'a amené, ma jambe, elle décide, elle, qu'elle veut plus suivre. Fait que je tombe comme plus en coordination. Fait que là, j'ai le choix. Soit que je m'arrête un petit peu, j'attends qu'elle dégourdisse, puis là, je peux continuer à marcher. Mais si mon pied en avant lui dit « Non, moi, regarde, j'avance pareil », ben là, je me mets à m'étirer, puis je vais peut-être fendre mes culottes, mais c'est pas... Ou j'ampute ma jambe, tu sais, c'est quoi que je fais? L'idée, c'est qu'il faut être coordonné, il faut s'attendre, il faut marcher ensemble, on a une idée à quelque part, ben on ne brusque pas, tu sais, on vit en harmonie, dans l'amour. Un autre exemple que j'avais eu... Avez-vous déjà vu ça? Moi, je trouve ça magnifique en passant. Là. Un couple qui danse le tango. Tu sais, puis c'est une danse, c'est pas une danse comme, je sais pas, je suis pas un spécialiste de la danse, là, mais c'est pas une danse que j'appellerais miroir, tu sais, que les deux, ils font la même chose. Non, l'homme fait un mouvement, puis la femme fait un autre, puis c'est beaucoup aussi un rôle de soumission, tu sais. Mais c'est pas de domination, mais c'est l'homme dirige le pas et la femme se soumet. Et, tu sais, là, j'entre pas dans l'histoire, là, homme-femme, là, vous en avez sûrement entendu parler hier soir en masse, pour ceux qui étaient là. Mais c'est dans l'idée d'être coordonné, mais on ne fait pas nécessairement la même chose, mais on ne se pile pas ses pieds. Puis, tu sais, on marche ensemble. Puis Jésus, en plus, il dispose les dons dans l'Église pour que ça fonctionne. C'est vraiment, tu sais, il faut toujours avoir dans l'idée de prendre la personne qui est assise à côté de nous comme un enfant de Dieu, puis elle a ses dons. On a tout le temps l'espèce de fâcheuse idée de vouloir que tout le monde se ressemble. Tu sais que, mais non, c'est pas une diversité de dons, la parole nous dit. Fait que ça nous amène à la patience mutuelle. Comme moi tantôt, là, la patience commence à être aiguisée avec le micro, mais tu vois, on est appelé à former un seul corps, à marcher ensemble. Puis l'Église, donc, mon premier point qui était, l'Église de Dieu est coordonnée. Si on continue dans le texte, on voit une Église en solidification. J'ai pris ça dans verset 16, toujours. Ben, je l'ai mis, ouais. Former un solide assemblage en liaison avec le verset 13, première partie 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. La connaissance du Fils de Dieu. Fait que là, on a l'aspect ici que l'Église de Dieu est en solidification. Je n'ai pas dit qu'elle était solide, parce qu'il formait un solide assemblage. On est toujours comme en processus de quelque chose que Dieu est en train de bâtir. Mais quand on pense à quelque chose de solide, on pense souvent... Ben moi, j'ai travaillé sur des fermes, puis je sais que les familles Dupont aussi, les Brauchy, quand on pense à solide, on pense à une grosse machinerie, on pense à, je sais pas moi, un marteau, un tracteur, une charrue qui laboure le champ, il faut que ça soit solide. Mais l'Église ici est comparée à un corps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'émission de l'acier et du feu. Il y en a qui connaissent ça? C'est carrément une compétition de forgerons. C'est des forgerons qui sont, ils sont en compétition, fait que c'est une émission, puis ils sont spécialisés dans les armes médiévales, les épées, les couteaux, puis ainsi de suite. Mais ils font ça à l'ancienne. Là. Ils ont leur tablier de cuir, leur petite forge, l'enclume, le marteau, puis des fois, il y en a quelques-uns qui prennent une presse électrique. Là. Mais l'idée ici, c'est que c'est du solide. Là. C'est le marteau là, qui fesse sur le métal, puis il forge tout ça, puis... Puis plus loin dans l'émission, ils viennent à un bout où ce que, parce qu'il faut qu'il y ait un gagnant, c'est une compétition, il y a un test de solidité. Puis la solidité est testée, hein, ils pognent l'arme que la personne vient de faire, puis ils donnent un grand coup dessus. Dessus un casque ou un bouclier, parce qu'ils veulent représenter est-ce que ton arme qui aurait été dans le temps médiéval aurait résisté et blablabla. Mais ici, dans le texte, l'Église est comparée à un corps. Est-ce qu'on pourrait qualifier le corps humain comme étant quelque chose de solide? Est-ce que vous croyez que votre corps est quelque chose de vraiment solide? Ah, ben oui. Dans quel sens? Ben, mettons que t'es-tu plus solide que le marteau? Si on te met sur un enclume puis on te pioche, c'est lequel qui va résister? Une image un peu dégueulasse, mais bon. Mais on sent en plus que le corps, en vieillissant, il s'affaiblit. Tu sais, j'ai juste 36 ans, je vais avoir 37, mais je suis pris avec l'arthrose, puis d'un fois, il me semble que je me mettrais de l'huile dans quelque part. Quand tu te lèves et ça grince, là, c'est pas drôle. La vue baisse, tu sais. Mais ici, dans le texte, le fait qu'on est comparé à un corps représente, oui, on est faible, puis Dieu vient nous solidifier ensemble. Mais ça, c'est quand même l'idée qu'on est un corps, il y a une diversité. On a une diversité de membres, on a une diversité de dons. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut nous montrer ici. On doit... Dans notre diversité, on doit devenir de plus en plus solide ensemble. Mais c'est quoi qui doit nous unir? T'sais, on nous demande d'être solide, mais quand on pense qu'est-ce qui nous unit ensemble, on a entendu Yves qui disait que c'est Dieu qui nous tient ensemble, mais comment que ça se fait ça? T'sais, on est tous chacun différents ici dans la salle, on a tous chacun nos dons. Oui, il y a certains qui ont des dons pareils, mais quand même, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont s'entendre ensemble. C'est pas parce que deux personnes ont le même don qu'ils vont être automatiquement harmonisés dans la joie et tu sais, on a chacun nos petits quelque chose. Mais ici, le texte, ben, je l'ai écrit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, on sait tous, c'est Jésus. C'est en Jésus, c'est ça qui est comme notre union. C'est ça qui doit nous unir ensemble. C'est le point sur lequel on doit être tous rattachés. Éphésiens 3, versets 14 à 18, ça nous dit ceci. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite en vous, dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre que tous les saints, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Ici, le texte nous dit vraiment qu'on doit être enraciné et fondé dans l'amour. Fait que le texte d'Éphésiens 4 nous dit qu'on doit être unis et solides ensemble. Ce qui doit nous tenir ensemble, c'est d'en venir à la connaissance du Fils de Dieu. Mais qui est Jésus? Et surtout, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Mais il a prouvé son amour envers nous. Fait qu'il faut, pour connaître qui est Jésus, il faut savoir ce qu'il a fait pour nous. Et ce qu'il a fait pour nous former un solide assemblage, ben, c'est qu'il nous a aimés. C'est dans cet amour-là, précisément, qu'on doit s'unir ensemble. Pas en essayant de se trouver des... On essaie de trouver de s'unir en essayant de se trouver des affinités. Mais ces affinités-là, quand arrive, je ne sais pas moi, une épreuve, une crise ou quelconque, les affinités-là ne tiennent pas. Il faut vraiment se trouver quelque chose qui nous unirait ensemble solidement. Et je crois sincèrement que le texte nous dit que c'est dans la connaissance du Fils de Dieu qu'on doit être unis. Et pour connaître Jésus, il faut savoir ce qu'il a fait pour nous. Je me répète, je sais, mais c'est quand même important. Mais de quel amour Jésus nous a aimés? J'aurais pu citer Jean 3, 16. On connaît tout ce verset-là. Il est très bon. Voyons, je ne m'en rappelle même plus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Finalement, je me rappelais. Mais il y a un verset que je trouve vraiment percutant, que j'aime beaucoup, qui vient en apprendre aussi sur notre état. C'est Romains 5, versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est vraiment, on a ici, là, vraiment, l'amour de Dieu à l'état pur. On était sans force, impies, pécheurs. Il n'y a personne dans le monde qui aurait fait ça. Mais Dieu, lui, il a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour nous sauver de notre état de perdition. Il faut s'accrocher à ça. C'est cet amour-là que Jésus a fait pour nous, qu'il faut s'accrocher, qu'il va faire en sorte qu'on va demeurer unis, qu'on va être solides. Maintenant qu'on sait de quel amour que Jésus nous a aimés, ben comment qu'on met ça en pratique? Comment qu'on le réalise dans l'Église. OK, on est soudés, Dieu nous unit ensemble, on a tous chacun de notre côté, on a conscience que Jésus nous a sauvés de notre perdition éternelle, qu'il nous a aimés. Mais comment ça se répercute avec mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui se passe? Il y a 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 27, c'est un passage que sûrement vous rappelez, qui parle du corps, justement. On est un seul corps, mais plusieurs membres. Le verset 15 dit, si le pied disait à la main, je ne suis pas du corps, est-ce qu'il serait du corps pour cela, pour autant, et toute la suite. Mais si je pars au verset 22, ça va comme suit. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ceux que nous estimons être les moins honorables, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honorables reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honorables n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. J'ai vu ici vraiment un modèle en quoi on pourrait représenter la solidité du corps uni en l'amour de Jésus. Les faibles qui se font supporter par l'effort. Ils ne se font pas écraser par l'effort. Puis là, détrompez-vous, là, essayez pas de dire dans votre tête, « Hey, je suis un faible, moi? Hey, je suis un fort, moi? » On est tous ici, chacun d'entre nous, à un moment donné dans notre vie, un fort et un faible. On a chacun nos dons, justement, puis c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Il a disposé le corps de manière à ce que, tantôt, on a besoin d'une partie, tantôt, cette partie-là aura besoin de moi, et ainsi de suite. Puis c'est comme ça qu'on va devenir solide. C'est pas en voulant quelqu'un qui subit, tu sais, celui qui souffre, les autres souffrent avec lui. C'est pas en voyant quelqu'un souffrir, on se dit, ben là, Caroline, il nous retarde tout, lui, puis il nous affaiblit. On va s'en débarrasser. Non, c'est les autres viennent appuyer cette personne-là pour qu'on continue d'avancer, on continue d'aller de l'avant. C'est en prenant soin les uns des autres qu'on va démontrer aussi de quel amour Dieu nous a aimés et faire en sorte que le monde va voir aussi. Tu sais, il y a un verset, Daniel Bernier, il l'avait cité ici l'autre fois, puis j'avais vraiment aimé ça. Voici, je vous donne un commandement nouveau. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Jésus avait dit ça. Si vous êtes tout en train de vous déchirer entre vous, là, vous n'êtes pas en train de pantoute, mais en l'amour que nous avons les uns pour les autres, on va pouvoir réunionner Jésus. Fait que l'Église est en coordination, en solidification et en croissance. Comment assurer la croissance d'un corps? Parce qu'on sait, l'Église est comparée au corps. Comment qu'on fait pour grandir? On voit avec... on a eu des enfants, moi et ma femme. Puis, pour que le corps, pour que l'enfant grandisse bien, ben, il faut le nourrir bien. Parce qu'on a les médecins qui font une courbe de croissance. Puis, à tous les mois, on allait voir le médecin pour voir si tout allait bien chez notre enfant. Et comment qu'on voit s'il est en santé, c'est est-ce que sa courbe de croissance monte ou... Oups, elle stagne ou au pire encore, elle descend. Fait que quand c'est le cas, ben, on doit quand même prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Et ainsi de suite. On voit, dans le fond, un corps en santé habituellement grandit. C'est là que c'est le point que je voulais amener. Et le texte qui me montre cette partie-là, ben, c'est assez évident. Le verset 16 encore, si on suit. On fait la suite, c'est tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et je l'ai mis en deux temps, celle-là. Puis il y a le verset 13 qui nous dit qu'on doit être tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. L'Église est appelée à grandir. Comment qu'on voit ça dans l'Église? C'est-tu par le nombre d'occupations des sièges le dimanche matin? Est-ce qu'une Église grandit parce qu'elle est pleine? Est-ce qu'une Église grandit parce que le bâtiment est trop petit et il faut l'agrandir? Est-ce que l'Église grandit parce que, oups, ça fait 3 ans de suite qu'on a agrandi l'Église, t'sais? Est-ce que c'est le bâtiment ou est-ce que c'est les gens? Bien, plus l'Église est en santé, ne veut pas nécessairement dire que il va y avoir nécessairement une croissance d'individus dans l'Église. Ben, en tout cas, pas dans le texte ici. Le texte ici, c'est vraiment une croissance, une fermeté spirituelle. Il nous demande d'être à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu dire quelqu'un d'autre ici dans l'Assemblée ou d'une autre église, « Hey, yes! Moi, je suis rendu, là, je suis à la stature parfaite de Christ. » Ben, c'est, je pense pas qu'on, de notre vivant, ben, je pense pas, je suis même certain, de mon vivant, en tout cas, moi, je vais prendre, parler pour moi, mettons, là. Je pense pas qu'un jour, je vais être rendu à la stature parfaite de Christ. Mais on est quand même appelé à grandir. Puis c'est pour ça que j'ai mis « en croissance » et non pas « rendu grande ». On est toujours en mouvement, on est toujours en apprentissage. Il y a toujours des... Il devrait y avoir des nouveaux chrétiens qui s'introduisent dans l'Église et qui sont enfants et grandissent. Puis nous, dans l'Église, grandissons aussi. C'est édifiant de voir que Dieu continue son œuvre puis il fait continuer à avancer l'Église. Mais la croissance ici, j'aimerais amener l'attention sur le fait que est un effet de protection aussi, protection spirituelle. Quand que la parole ici nous dit de tendre à être à l'état d'homme fait, qui veut dire une personne mature, pour ne plus être des enfants. On a le contraste entre la maturité spirituelle comparée à « on est un homme », un homme, un adulte, et le fait d'être faible dans la foi, petit, commençant, débutant, on est vu comme des enfants. C'est pour ça que l'Église doit être vraiment solide, unie ensemble, pour qu'on se protège aussi les uns des autres. On s'exhorte, on s'enseigne, mais pas en se tapant dessus, mais vraiment en s'aimant, parce qu'on veut prendre soin de notre frère, notre sœur, pour une fausse doctrine là, qui rentre dans l'Église. Il faut être solide pour résister à ça. Puis comment qu'on fait pour être solide à ça? Ben, il faut s'ancrer dans la parole de Dieu. Il faut se rappeler, tu sais, oui, Jésus nous a aimés. Jésus nous aime, il nous a sauvés. Mais il faut s'entretenir dans sa parole pour vraiment être... Il y a des doctrines, des fois, là, que c'est assez pernicieux, merci, là. Ça ressemble à la vérité, mais ça ne l'est pas. Mais c'est pour ça aussi que Dieu nous donne les dons du verset 11 pour prendre soin. Mais il ne faut pas non plus que l'Église se dise, « Ah ben, on a notre élite d'anciens, eux vont étudier la chose, puis ils vont nous protéger. » On n'est pas tout le temps ensemble, là. On est, le dimanche matin, on est ici, mais dans la semaine, on est aussi au travail. On écoute la télé, on va voir des amis, puis c'est pernicieux, puis ça s'introduit, hein, les fausses doctrines. C'est pour ça que l'unité du corps doit être, on doit veiller les uns sur les autres, on doit s'apercevoir, on doit se connaître aussi pour dire, oh, il y a quelque chose qui doit être réajusté ici, là, tu sais, veiller les uns sur les autres, mais c'est toujours dans l'amour, de Jésus, toujours le faire en s'aimant. Puis Jésus aussi, hein, il a montré cet exemple-là, d'être ancré, fondé dans sa parole. Quand il a été tenté dans le désert, Satan, il a essayé de l'avoir par la bédaine. Tu as faim? Ben, prends ces roches-là et change-les en pain. Mais Jésus, c'est par quoi qu'il a répondu? Par la parole. Puis en plus, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis c'est la Bible. Dieu, Jésus, il était la parole lui-même, la parole faite chair, comme dans le premier chapitre de Jean, on voit. C'est vraiment important de prendre du temps, méditer, lire sa parole, s'ancrer dans la parole pour être ferme dans la parole, pour éviter de tomber dans les fausses doctrines et ainsi de suite. Pour être tendre à la stature de Christ. La doctrine fondée dans l'amour de Jésus, unis. C'est vraiment quelque chose de... J'aimerais comme faire une parenthèse, on entend des fois la doctrine divise. Les gens se chicanent sur les doctrines puis ils se divisent. Ben, c'est pas la doctrine en tant que telle qui divise, c'est le cœur. C'est vraiment quand on est... Quand on est là à chicaner entre nous autres sur un point, puis prétextant, ah, la Bible dit ça, puis on est prêt à se battre, puis chicaner, puis s'entre-déchirer pour ça, c'est peut-être qu'il faudrait changer nos lunettes. Quand on lit la parole de Dieu, on prend les lunettes, amour de Dieu, on lit ça, ah! Quand on est en train de chicaner, peut-être qu'on est en train d'avoir des lunettes, jugement, je sais pas, d'autres. Mais il faut vraiment savoir que, parce que je suis convaincu, que la doctrine fondée dans l'amour de Jésus rassemble. J'aimerais, tantôt j'ai lu Éphésiens 3 jusqu'au verset 18, puis ici je voulais lire le verset 19 qui venait appuyer tout ça. C'est qu'il faut connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Encore une fois, c'est juste pour appuyer le fait qu'il faut vraiment être centré sur l'amour de Jésus pour faire en sorte qu'on soit rempli et uni et fondé. Je vais passer tout de suite, le temps qui avance déjà. Je vais passer tout de suite au point 4, qui est le dernier, qui est une église en édification. On a vu la coordination, solidification, croissance et édification. Je trouve vraiment ce passage-là complet en soi, parce que si on prenait chacun des éléments tout seul, séparé, bien, ça ne formerait pas un tout. Si on prend la coordination sans la solidification, bien, ça risque de se briser. Si on a la coordination sans la croissance, bien, on fait du surplace. Puis, si on a la solidification sans croissance, bien, ça a bien beau être bien solide, puis ça ne grandit pas, mais ça va finir par mourir. Puis on pourrait continuer comme ça, essayer de dire, tiens, je vais... Non, hein, on peut ne pas grandir. Non, on peut ne pas être solide. Non, on peut être pas coordonné, puis ça va marcher. Non, ça ne marche pas. Puis l'édification est comme la clé, est comme la caractéristique qui vient tout unir ça ensemble. C'est comme le gauge, le barème, si on veut, c'est ça qui va nous aider à savoir si on est le modèle de l'Église selon Jésus. Parce qu'on aurait beau être coordonné, solide et en croissance, mais si on ne s'édifie pas, ça se peut qu'on grandisse croche ou on grandisse par en bas. Ou, t'sais. Fait que l'édification, c'est toujours dans l'aspect d'un édifice. T'sais, on monte en édifice, on ne veut pas ressembler à une tour de Pise. On sait tous que Jésus dit « Je suis la pierre angulaire sur laquelle je bâtis mon Église. » Il est comme le solage, il est la fondation solide. Mais ici, dans le texte, on voit Jésus, s'édifie lui-même de l'amour, que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Fait que là, Jésus, il disait à ses disciples, « Je bâtirai mon Église, je suis la pierre angulaire que les ceux ont rejetée, mais que je bâtis mon Église dessus. » Mais il dit aussi qu'il faut grandir vers lui, qui est la tête, il est le chef. Fait qu'il est en même temps, il est le fondement, fondation, sur quoi on bâtit, qu'on est certain que c'est solide. Puis en même temps, il faut tendre à sa ressemblance, monter à lui. Mais au centre, le corps, c'est nous. Jésus, Dieu, a fait son œuvre pour venir instaurer son Église et faire en sorte que l'édifice soit solide. Éphésiens 2 nous dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » C'est vraiment, l'édification est nécessaire. On doit être vraiment bien unis ensemble. Puis il faut faire notre part, là. Imaginez-vous que vous receviez un téléphone, ben, qu'on reçoit. On est tous ensemble, on est une gang. On reçoit un téléphone, puis là, il y a un quincailler qui nous appelle et dit « J'ai un projet pour vous autres. » Le quincailler, on arrive là, puis c'est une quincaillerie spéciale. Tout est gratuit. On peut prendre ce qu'on veut, mais c'est quand même le quincailler qui nous a appelé, puis il y a un projet pour nous autres. Puis il nous dit « Voici, là, j'ai les plans, c'est prêt, voici ce que vous devez construire. » Les matériaux sont là, sont tous pactés en bundle, bien facile à assembler. Puis, tout est là. Là, on rassemble tout ça. On se dit, on a un beau projet. Puis, on vient pour partir. Puis, attendez. Ils nous donnent une liste. On rouvre cette liste-là. C'est les noms de chacun d'entre nous avec la tâche associée à côté. Fait que là, ben, Colin, c'est facile. On sait tout qui doit faire quoi. Puis, les matériaux sont là, les plans sont prêts. On arrive sur le chantier, mais on connaît tout comment le cœur de l'homme est. Est-ce qu'on pense vraiment qu'on va accepter, « Hey, moi, là, il m'a mis sur le balai. Hey, moi, je voulais, je sais pas, moi, je voulais être sur la fondation, sur du solage, puis je suis sur le balai. » Ou un autre dit, « Moi, ben, y en a qui sont contents, tu sais. » Je dis, « Sir, moi, je suis bien content de faire ça. » Mais c'est l'idée de, on a un projet, Dieu nous a donné chacun nos dons, bien, il faut les faire. Tu sais, dans Romains 12, ça nous dit, mettons, que celui qui a le don d'enseignement enseigne, que celui qui a le don de service serve. Il faut faire chacun notre partie, il faut faire chacun notre part. Puis on a tous chacun reçu selon ce que Dieu nous a donné. On a tous un rôle à jouer. Mais l'idée là, de que celui qui a reçu le don d'enseignement enseigne, ça ne veut pas dire que j'ai reçu le don d'enseignement, je fais juste enseigner. C'est pas ça non plus. On a tous nos rôles à jouer ensemble et en unité ensemble. Okay. Je regarde l'heure passer. Vous voyez l'édification, vous voyez un peu où je veux en venir avec ça. Il faut vraiment s'assembler puis monter à une tour solide. On va passer à la conclusion. La conclusion, c'est vraiment l'Église de Dieu. Et le texte qu'on a vu, que j'ai voulu vous exposer ce matin, que je crois sincèrement que c'est un modèle à suivre. Il faut y mettre du sien. Il faut vraiment s'accrocher à ça. Tu sais, l'introduction, je vous ai mis l'histoire des mousquetaires, où ce que le roi, il destituait les mousquetaires, puis tiens, ils devenaient tous désunis, puis épars un peu, ils étaient là, puis l'unité n'existait plus. Mais je veux quand même mettre l'emphase sur le fait que Jésus, lui, ne nous abandonnera pas. Il est le roi qui nous a unis ensemble, puis il ne nous abandonnera pas, il ne nous laissera pas tomber. On a entendu le verset souvent qui a été lu, mais j'aime juste le relire, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, la hauteur, la profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. On a vraiment un grand roi. On a un grand Dieu qui nous unit ensemble. Puis, d'autres passages nous disent, marchons donc d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Puis je suis content de voir, avec hier, la réunion, puis tous les commentaires que j'ai eus ce matin, je suis content de voir qu'il y a une unité dans l'Église ici. Puis c'est beau à voir, puis c'est le fun à voir. Avec les gens de Plessisville, Valère et Sonia, Daniel qui n'est pas là, mais j'ai vu ça, la réconciliation, tu sais, c'est quelque chose de beau à voir, c'est édifiant. Puis, comme j'avais fait à ma première prédication, je vous avais mis une belle image pour comme illustrer la fin. J'aimerais ça, vous présenter ça, comme pour venir tout mettre une image sur toute l'unité. Ça, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, peut-être que je vais laisser, mais c'est en Espagne que ça se passe. Ça s'appelle un castel. Castel, peut-être que je prononce mal, je vais aller, mais ça veut dire château en catalan. Ben, castel en anglais, c'est ça, mais c'est pas de la même manière. Là, moi, je l'ai sur ma feuille. Mais ça, c'est une tour humaine. C'est une activité qu'ils font en Espagne. Puis je trouve qu'elle représente vraiment bien ce que doit être une église. Puis en plus, ils ont leur devise à eux. La devise est de la force, de l'équilibre, du courage et du bon sens. Je trouve ça spécial. Ça ressemblait un peu aux caractéristiques que j'avais vues dans le texte. Mais c'est qu'en haut, celui qui vient terminer la tour, c'est un enfant. Puis tu as tous les autres, tu sais, eux autres doivent tous être en coordination, en solidification, pour que la croissance arrive et que l'édification soit vraiment terminée. Quand l'enfant en haut, là, c'est pas juste qu'il arrive en haut et « Yes, sir, la tour est finie! » Non, il faut qu'il lève les bras. Imaginez-vous, tu es en haut de là, tu as les deux pieds sur, je sais pas, la tête de l'autre. Puis il faut que tu lèves les bras, tu ne tiens plus. Il faut qu'il fasse confiance au reste de la gang. Il faut que pendant que lui monte, les autres en bas, peut-être qu'ils sont rendus fatigués, mais ils tiennent bon. Puis c'est vraiment solide, en croissance, coordonné, parce que s'il y en a un qui décide d'un bord, qui lâche, la tour tombe. Mais avant, lui, peut-être qu'il est fatigué, il donne un coup de coude à l'autre. « Hey, mets donc un petit peu plus de gaz, toi, parce que moi, je suis fatigué. » Et je trouvais que ça représentait bien toute l'idée de ce à quoi doit ressembler une église. Des gens qui s'aiment, qui s'aident, qui sont unis dans l'amour. Peut-être que vous voyez comme un modèle de l'église utopique, une belle image de ce que devrait ressembler l'église. Peut-être que plusieurs d'entre nous, on est dedans, mais il faut prendre conscience de ce pourquoi on a été appelé à vivre dans l'amour ensemble, en harmonie, en s'aidant, mais en voulant aussi faire avancer l'amour, faire avancer le royaume de Dieu. Mais s'il y en a parmi vous qui ne sont pas certains, qui veulent faire partie de ce groupe-là, de cette gang-là, de cette église-là, bien, je l'ai dit dans le texte tantôt, dans mon exposé, c'est Jésus qui a tout. Jésus est mort pour nous. Il faut reconnaître qu'on est pécheurs, que Jésus a tout payé, qu'il a tout fait. Puis maintenant, on s'agenouille devant lui, on lui demande de nous pardonner nos fautes. On lui dit qu'on a besoin de lui, que sans lui, on ne peut rien faire. Puis c'est sûr qu'il va avoir une place pour nous à quelque part dans cette tour-là. Merci beaucoup.